C'est un plancher pour faire la fête, un coin perdu sous les remparts. Au fond de la cour, le vent s'arrête, faut bien qu'il s'arrête quelque part. Qui sont ces gens? Ce sont des anges tombés du ciel, ailes mouillées, passant leur temps, tournant leur danse sur des mélodies oubliées. Pêcheurs de nacre, marins de plume, pris entre demain et hier. Ici le vin tient lieu de brume, c'est un port où y a pas la mer. Qui sont ces gens? Ce sont des anges tombés du ciel, ailes mouillées, passant leur temps, tournant leur danse sur des mélodies oubliées. L'accordéon y tient sa place avec ses faux airs de vaurien. Dedans nos cœurs, il fait des traces. On est ému, on n'en dit rien. Qui sont ces gens? Ce sont mes anges tombés du ciel, ailes mouillées. Passe le temps, passe la danse, je suis pas prêt. Les oubliés.